Le conseil du prix international Kim Jong-il a publié le 14 une décision qui dit notamment « Les peuples progressistes du monde saluent significativement le 75e anniversaire de naissance de Son Excellence Kim Jong-il, grand dirigeant du peuple coréen. Son Excellence Kim Jong-il a développé et enrichi encore plus les immortelles idées du Juche créées par le président Kim Il-sung et accompli des exploits impérissables en faveur de l'œuvre d'émancipation du monde. » Le conseil du prix international Kim Jong-il décide de décerner le prix international Kim Jong-il à Ogami Kenichi, secrétaire général de l'Institut international des idées du Juche, qui a soutenu fidèlement les immortelles idées du Juche du président Kim Il-sung, grand leader, et contribué remarquablement à l'émancipation et à la paix du monde entier.